Ça ne badine pas avec les droits d'auteur. C'est méchant, c'est violent. Rien que dans mon pays, la Belgique, dans ma région, c'est déjà 500 000 euros d'amende et 3 ans de prison ferme. Alors, si c'est un truc, il faut faire très attention. Les droits d'auteur. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors écoute cette musique qui va te dire ce que c'est. Les droits d'auteur, c'est ce qui permet à l'auteur de survivre, enfin, de profiter de ses créations musicales. Par exemple, tu aimes bien Christophe Maé et sa musique pour Anatomie, mais tu sais, normalement, tu dois payer l'album. Mais les trois quarts des gens préfèrent télécharger sur Internet, sur Emu et les plateformes en P2P. Mais ça, tu vois, c'est illégal. Enfin, en Belgique, pareil qu'en France, c'est légal. Alors, tu télécharges, tu retélécharges. Et un jour où tu veux, pour la radio d'un ami, la diffuser, tu te rends compte que tu n'as pas payé les droits d'auteur. Alors sache que tu peux te rattraper toujours, en payant 50 à 100 euros chaque année à un traiteur. La compagnie qui s'occupe des droits d'auteur. Les droits d'auteur, ça peut être méchant, ça peut être aussi très contribuable. C'est à toi de voir. Tu fais tes propres musiques. Alors, pourquoi ne pas tenter l'aventure? Alors, les droits d'auteur, c'est violent, c'est méchant, et ça peut être quelquefois redoutable. Alors, méfie-toi beaucoup de cela. Les droits d'auteur, c'est méchant, et c'est avantageux à la fois. Alors, respecte tes droits, et les droits te respecteront. C'est comme ça. Les droits d'auteur, d'une partie ça peut t'emmerder, et de l'autre, ça peut te faire gagner beaucoup de sous. Par exemple, tu as déjà vu un chanteur américain, tu as vu tout ce qu'il gagne. Si tu respectes les droits d'auteur et qu'ils sont bien utilisés, crois-moi, tu vas gagner beaucoup d'argent. Les droits d'auteur, c'est méchant et avantageux à la fois, mais bon, faut choisir, soit tu les respectes, soit tu les respectes pas, c'est comme ça. Ah oui, la vie peut être difficile. Les droits d'auteur, c'est méchant et c'est avantageux. À la fois, c'est un avantage et un inconvénient. Avantage, puisque tu peux gagner beaucoup de sous, mais inconvénient, parce que ça peut te faire tomber de haut. Alors, tu veux un conseil? Paye les droits d'auteur, si tu ne fais pas tes créations, évidemment. Mais si tu es propriétaire de musique, alors mets la totale. Tu verras l'argent qui va venir à toi. Comme des mouches autour d'un bout de miel. Étrange, n'est-ce pas? Comme proverbe. Les droits d'auteur, respecte-les ou ils te respecteront. Les droits d'auteur.